Tombé du ciel dans le Sahara à la recherche des humains, le petit prince reçoit d'une fleur une curieuse réponse. Les hommes? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène, ils manquent de racines. Ça les gêne beaucoup. Au premier regard, il est vrai, le mouvement est peut-être ce qui caractérise le mieux les hommes, comme la plupart des animaux. S'ils avaient des racines, s'ils savaient se nourrir en pompant dans le sol des éléments minéraux simples et utiliser l'énergie solaire pour les transformer en matière organique, ils n'auraient évidemment pas besoin de se mouvoir. Les hommes et les animaux bougent donc par obligation. L'obligation est absolue, et si elle permet à de gros mangeurs de développer des corps volumineux, elle ne leur laisse guère de répit. Qui ne peut plus se déplacer meurt, si d'autres ne le prennent pas en charge. Il est aussi une autre raison impérieuse de se mouvoir, et de plus en plus vite, échapper aux prédateurs pour ne pas devenir leur proie. L'homme primitif était confronté quotidiennement à ce problème. Son descendant des grandes villes n'en est pas vraiment débarrassé. Des paysages qui vous en veulent et qu'il faut quitter immédiatement sous peine de conséquences incalculables, il n'en existe pas beaucoup, mais il en existe. Il y en a bien sur cette terre 5 ou 6 pour chacun d'entre nous. Je me suis trompée. Aucune frontière n'est facile à franchir. Il faut forcément abandonner quelque chose derrière soi. Nous avons cru pouvoir passer sans sentir la moindre difficulté, mais il faut s'arracher la peau pour quitter son pays, et qu'il n'y ait ni fil barbelé, ni poste aux frontières, n'y change rien. J'ai laissé mon frère derrière moi comme une chaussure que l'on perd dans la course. Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elle blesse toutes. Il n'y a pas que cela. Il y a ce que nous devenons. Je vais me fermer au visage qui m'entoure. Je vais me concentrer sur mon corps, le souffle, l'endurance. Je serai forte. C'est l'heure de l'être, une fois pour toutes. Nous allons courir comme des bêtes et cela me répugne. Nous allons oublier les visages de ceux avec qui nous avons partagé nos nuits et nos repas depuis 6 mois. Nous allons devenir durs et aveugles. Mais je me pose cette question. Si je réussis à passer, quelle sera la femme de l'autre côté? Et est-ce que je la reconnaîtrai? Je me suis trompée. Aucune frontière n'est facile à franchir. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile, qui se fond avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser, la sève et du champagne vous montent à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans. Lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux-col effrayant de son père. Et, comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes au mauvais goût. Puis l'adorer un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. D'Orient, sous les tuves, les fumées dansant, brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes, hume les fleurs, leur senteur navrante, laisse loin la rumeur des villes. Si ta vie est tracée, dévie, prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux, enfile des semelles de vent, deviens voleur de feu, défie Dieu comme un fou, refais surface, loin des fous, la fine force et faiblesse, fais de ta vie un poème. Sois ouragan entre rebelles, Rougan, empereur de brigands, maquin d'Albois, Caïman, écris des récits ou te cogner à tes récifs, une feuille blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies. Lis entre les billes, écris la vie entre les lignes, file l'ennui des villes libides si ton cœur lui aussi s'abîme. Sur le chemin de mon école, il n'y avait ni chien errant, ni sans domicile fixe, ni mendiant. Il y avait l'abbé Pierre qui nous rappelait qu'ils existent, sans qu'alors on ait l'impression qu'ils débordent et deviennent un reproche. Ils étaient des silhouettes lointaines au bord des ponts et sur les bancs des jardins publics. Après quoi, les silhouettes se sont multipliées, elles se sont rapprochées. Tous les jours, j'emmène et je vais chercher mon garçon à l'école. Matin et soir, nous croisons les pauvres. C'est ainsi que mon fils vous appelle. Les premiers le matin que nous saluons, les derniers le soir auxquels nous abandonnons un début de sourire. Ce que j'ai compris, grâce à vous, madame, c'est qu'aujourd'hui, la misère est à hauteur des enfants. On vit avec tout ce que cela veut dire. Avant même qu'ils ne sachent lire et écrire, ce que nous offrons à ceux que nous élevons, c'est la misère, à hauteur de leurs yeux. Je ne sais pas si elle est à la bonne hauteur. Un enfant qui va à la maternelle ou en primaire aura les malheureux pile à son niveau. Avant d'entrer dans la cour de récréation, le chemin de l'école redevient la cour des miracles, que pas un gosse ne devrait traverser. Pour grandir, il lui faudra d'abord regarder le malheur dans les yeux. Tout comme ses parents, il s'y habituera vite. Sauf que cela aura commencé trop tôt pour lui, avant même d'avoir compris ce que déjà il ne verra plus. Ne reste que le désespoir. On fait comment ? Avec l'espoir, sans l'espoir. Harold ! Lança Maureen par-dessus le bruit de l'aspirateur. Le courrier ! Il se dit que ce serait agréable d'aller dehors, mais tout ce qu'il y avait à faire, c'était de tondre la pelouse, et il s'en était déjà chargé la veille. Le ronronnement de l'aspirateur s'éteignit. Puis son épouse apparut, l'air mécontent, une lettre à la main. Elle s'installa face à lui. « C'est pour toi !» annonça-t-elle. « D'après le cachet de la poste, elle vient de Berwick-upon-Tweed. » Il ne connaissait personne à Berwick. D'ailleurs, il ne connaissait pas grand monde où que ce soit. « C'est peut-être une erreur !» avança-t-il. « Je ne crois pas. Ils ne peuvent pas se tromper de cachet. Eh bien !» interrogea Maureen en lui tendant un couteau. Il posa la lame à l'angle de l'enveloppe et l'inséra dans le pli. « Doucement, Harold !» Il sentit son regard sur lui, tandis qu'il extrayait la feuille et rajustait ses lunettes sur son nez. La lettre elle-même n'était pas manuscrite, et elle venait d'un endroit qu'il ne connaissait pas, le centre de soins palliatifs Saint-Bernardine. Cher Harold, tu seras sans doute surpris de recevoir ce courrier. Il alla directement à la signature. Eh bien ! Répéta Maureen. D'où Jésus ? C'est de Queenie Hennessey. Que pouvait-on dire à une femme en train de mourir d'un cancer ? Il n'avait jamais été doué pour exprimer ses sentiments. Ce qu'il éprouvait était si fort qu'il ne trouvait pas les mots justes. Et même s'il y était parvenu, il aurait été déplacé de les écrire à quelqu'un à qui il n'avait pas fait signe depuis 20 ans. Mais il était temps de cesser de chercher une formulation élégante. Il n'avait qu'à dire ce qui lui venait à l'idée. C'était plat, mais ça avait le mérite d'exister. Pour la première fois de sa vie, il fut déçu de voir apparaître la boîte aux lettres plus tôt que prévu. Il tenta de l'éviter, mais elle était bel et bien là. Il leva l'enveloppe à la hauteur de la fente, puis s'immobilisa et se retourna pour examiner la courte distance que ses pieds venaient de parcourir. Harold songea à tout ce qu'il avait laissé passer au cours de son existence. Des sourires, des coups à boire, les gens qu'il avait croisés 1000 fois sur le parking de la brasserie ou dans la rue sans même lever la tête. Les voisins qui avaient déménagé et dont il n'avait pas gardé la nouvelle adresse. Pire, son fils qui ne lui parlait pas et son épouse qui l'avait trahi. Il se souvint de son père dans la maison de retraite et de la valise de sa mère près de la porte. Et maintenant, il y avait cette femme qui, 20 ans plus tôt, lui avait prouvé qu'elle était son amie. Fallait-il toujours qu'il en soit ainsi ? Que juste au moment où il voulait faire quelque chose, ce soit trop tard ? Il passa devant le bureau de poste sans s'arrêter. Siamo gli innumerevoli, raddoppia ogni casella di scacchiera, lastrichiamo di corpi il vostro mare per camminarci sopra. Non potete contarci, se contati aumentiamo, figli dell'orizzonte che ci rovescia a sacco. Nessuna polizia può farci prepotenza più di quanto già siamo stati offesi. Faremo i servi, figli che non fate, le nostre vite, i vostri libri di avventura. Portiamo Mero e Dante, il cieco e il pellegrino. L'odore che perdeste, l'uguaglianza che avete sottomesso. Qualunque distanza arriveremo a milioni di passi. Noi siamo i piedi e vi reggiamo il peso. Spaliamo neve, pettiniamo prati. Battiamo tappeti, raccogliamo il pomodoro e l'insulto. Noi siamo i piedi e conosciamo il suolo passo a passo. Noi siamo il rosso e il nero della terra, un oltremare di sandali sfondati. Il polline, la polvere nel vento di stasera. Uno di noi a nome di tutti ha detto: non vi sbarazzerete di me. Va bene, muoio, ma in 3 giorni resuscito e ritorno. Nos pieds sont le moyen pour nous déplacer, communiquer, jouer, connaître, apprendre. Mais souvent, nous les oublions. Pourquoi ? Parce qu'ils sont loin de notre tête. Parce qu'ils connaissent le sol, les épines, les serpents, le rugueux et le glissant. Parce qu'ils sont tout l'équilibre. Parce qu'ils sont la surface qui nous appartient quand on est dans une foule et qu'on encaisse le genou d'un autre dans une côte. Un bras sous le nez, un cartable dans le ventre. Mais on ne permet pas qu'on nous les piétine. Parce qu'ils sont la frontière minimum et inviolable. Parce qu'ils soutiennent le poids tout entier. Parce qu'ils savent s'accrocher aux moindres prises et appuis. Parce qu'ils savent courir sur les rochers. Et les chevaux ne savent même pas le faire. Parce qu'ils nous emmènent. Parce qu'ils sont la partie la plus prisonnière d'un corps emprisonné. Et celui qui sort après de nombreuses années doit apprendre de nouveau à marcher en ligne droite. Parce qu'ils savent sauter. Et ce n'est pas leur faute s'il n'y a pas d'ailes plus haut dans le squelette. Parce qu'ils savent se planter au milieu des rues comme des mules et faire une haie devant la grille d'une usine. Parce qu'ils savent jouer au ballon et nager. Parce qu'ils étaient unité de mesure pour des peuples pragmatiques. Parce que ceux des femmes faisaient crépiter les vers de Pouchkine. Parce que les anciens les aimaient et lavaient comme premier soin d'hospitalité ceux du voyageur. Parce qu'ils savent prier en se balançant devant un mur ou replier sur un prie-dieu. Parce que je ne comprendrai jamais comment ils font pour courir en comptant sur un seul appui. Parce qu'ils sont joyeux et savent danser le merveilleux tango, la croustillante dans sa claquette, la flatteuse tarentelle. Parce qu'ils ne savent pas accuser et parce qu'ils ne prennent pas les armes. Parce qu'ils furent crucifiés. Parce que, même quand on voudrait les balancer sur le derrière de quelqu'un, vient le doute que la cible ne mérite pas l'appui. Parce que, comme les chèvres, ils aiment le sel. Parce qu'ils n'ont pas hâte de naître. Pourtant, quand arrive le moment de mourir, ils ruent au nom du corps contre la mort.